sous les dredons. Depuis je ne compte plus les saisons. Je m'endors sur tes cheveux blancs. Plus besoin de franchir le mur du son. Avec mon Arlène Avisson. Le soir je ne finis plus ma ronde. Couché à l'arrière du fourgon. Car être là près de toi. Être là. Être là pour moi ça va de soi. Il fait si clair dans ma maison. Les fenêtres laissent voir l'horizon. Tout est beau du sol au plafond. Passer un coup de chiffon. J'ai jeté mes souliers de plomb. Mes collections de papillons. À quoi bon garder ces cartons. Ces jouets, ces poupées de chiffon. Car être là près de toi. Ça va de soi, mais sans toi, au loin de toi, mais sans toi, être là, ça rimerait à quoi? Ça rimerait à quoi?